Regarde à l'intérieur. Voici un nid d'abeilles. Regarde à l'intérieur. Les abeilles font du miel dans le nid. Voici un nid d'écureuils. Regarde à l'intérieur. Les bébés écureuils sont dans le nid. Voici un nid d'araignées. Regarde à l'intérieur. Le nid est sous la terre. Les bébés araignées sont dans le nid. Voici une hutte de castor. Regarde à l'intérieur. La hutte est au-dessus de l'eau. Elle est aussi sous l'eau. Voici un terrier. Les lapins vivent dans des terriers. Regarde à l'intérieur. Les lapins se cachent dans le terrier. Voici un nid. Des fourmis vivent dans ce nid. Regarde à l'intérieur. La nourriture est dans le nid. Voici un nid d'oiseaux. Regarde à l'intérieur. Le nid a deux parties. Les bébés sont à l'abri dans ce nid.